Je suis Peter Levine et je voudrais vous souhaiter la bienvenue à ce cours en ligne, Guérir les traumatismes, un programme en plusieurs étapes pour restaurer la sagesse de votre corps. Je vous donne les mauvaises nouvelles d'abord, puis les bonnes nouvelles. Les traumatismes font partie de la vie. Presque personne ne va vivre sa vie sans, à un moment donné, être exposé à des événements potentiellement traumatisants. La bonne nouvelle est que le traumatisme n'est pas une condamnation à vie. Il y a des méthodes, des outils, des approches qui peuvent aider les gens non seulement à résoudre, mais aussi à transformer les effets du traumatisme. Et l'un des fondements de ce programme est l'importance, le rôle central du corps, à la fois dans le fait d'être touché par un traumatisme et dans la guérison du traumatisme. Le traumatisme survient, je vais simplifier à l'extrême, mais le traumatisme survient quand notre corps se prépare à nous protéger dans un moment où nous sommes submergés. Et ce qui se passe alors, c'est que ce que nous faisons pour nous protéger génère les symptômes du traumatisme. Laissez-moi vous donner un exemple. Quelque chose arrive et vous êtes effrayé. Vous voyez quelque chose d'horrible et vous faites « comme ça. Toutes ces choses, c'est le corps qui les fait. J'ai respiré fort. J'ai rétracté mes épaules. Elles sont remontées, mon cou s'est abaissé. J'ai écarquillé les yeux. Ce qui se passe avec le traumatisme, encore une fois, tout ça me prépare à me battre ou à fuir ou à éviter ce que je perçois comme une menace. Voici un autre point important. Le traumatisme se produit lorsque nous sommes menacés ou lorsque nous percevons que nous sommes menacés. Et parfois, il n'y a pas de différence quand nous sommes réellement menacés ou si nous percevons que nous sommes menacés. Donc, pour en revenir au corps, il a cette réaction de protection qui le prépare au combat ou à la fuite. Et nous restons coincés là-dedans. Notre corps est bloqué. Et donc, quand notre corps est bloqué, notre corps indique à notre esprit qu'il y a toujours une menace. Beaucoup d'approches du traumatisme ont été plus cognitives pour essayer d'amener les gens à réaliser qu'ils ne sont pas réellement en danger. Mais si le corps reste dans cet état d'hypervigilance, alors il nous est vraiment difficile de surmonter le traumatisme. Néanmoins, si nous comprenons comment il est mémorisé dans le corps et que nous pouvons travailler directement avec le corps, alors nous avons un outil très important pour transformer les traumatismes. Je veux juste dire quelque chose. Beaucoup de gens ont connu un traumatisme très difficile dans leur vie. Et c'est important. Ce cours n'est pas une thérapie pour soigner les traumatismes, mais une approche qui aide à se réapproprier son corps, à récupérer la sagesse de son corps. Il ne remplace pas la thérapie quand elle est nécessaire. Et je crois que vous, les auditeurs, saurez que si quelque chose est trop intense pour vous dans ce cours, vous demanderez une aide professionnelle. Si vous cherchez quelqu'un qui est formé à la méthode dont je vais parler et que vous, en quelque sorte, étudiez, vous pouvez aller sur le site web pour trouver un praticien. Le site francophone est www.apf-somatic-experiencing.com et vous y trouverez des contacts. Quand j'ai commencé à découvrir les traumatismes ou à les étudier, c'était bien avant que l'on ait défini le traumatisme comme un SSPT. Donc, d'une certaine manière, j'ai été très chanceux parce que je ne savais pas que le traumatisme était supposément une maladie incurable qui ne pouvait être qu'au mieux contrôlée. J'ai pu explorer de nombreux aspects et ce qui a été le plus utile pour moi fut de découvrir ce que les animaux peuvent nous apprendre en ce qui concerne les traumatismes, et en particulier sur la façon de se relever après un traumatisme. Parce que le traumatisme fait partie de la vie, tout comme notre capacité unique, notre résilience à nous relever après une expérience traumatique. Et quand j'ai commencé à travailler à la fin des années 60, puis dans les années 70, j'ai été étonné par la grande variété d'événements qui pouvaient provoquer des réactions traumatiques chez les gens. Bien sûr, nous pensons tous à l'enfance maltraitée, au viol et à la guerre. Mais il y a beaucoup plus de sources ordinaires de traumatisme. Par exemple, un accident de voiture, parfois même un accrochage, peut causer une réaction traumatique. Pourquoi ? Parce que nous sommes assis dans la voiture, soudain, quelqu'un arrive derrière, nous percute, et là, à nouveau, notre corps réagit par la peur. Il entre dans cette réponse de protection. Et si nous ne savons pas comment revenir à l'état de relaxation pour réguler ce genre d'activation, alors nous resterons coincés dedans. J'ai découvert que les interventions médicales invasives étaient aussi une source commune de traumatisme, surtout en cas d'anesthésie après un choc. À de nombreuses reprises, quand j'ai commencé à travailler avec des patients dans les années 60 et 70, beaucoup d'entre eux étaient nés dans les années 40 et 50 et avaient vécu par exemple des amygdalectomies avec l'anesthésie à l'éther, et ils étaient terrifiés alors qu'ils étaient enfants. Ils étaient maintenus et on leur mettait le masque d'anesthésie, ce qui les faisait suffoquer. Et malgré l'anesthésie, ils étaient terrorisés. Heureusement, il y a eu de grandes améliorations à ce niveau. Mais les interventions médicales invasives sont encore potentiellement traumatisantes. Néanmoins, si nous nous y préparons, nous savons quoi faire en matière de secours émotionnel. Nous pouvons réduire la probabilité de provoquer un traumatisme. Je vais vous donner un exemple où je l'ai appliqué à moi-même. Donc, quand j'ai commencé à travailler avec des patients et à voir l'étendue des sources de traumatisme, je me suis demandé comment les animaux sauvages répondent à une menace. Parce qu'ils sont tout le temps menacés. Nous, humains, sommes confrontés assez rarement à la menace, alors que les animaux en font l'expérience au quotidien. Je me demandais ce qu'il y avait dans l'expérience de l'animal qui leur permettait de se relever d'une menace. Parce que s'ils ne le faisaient pas, s'ils connaissaient les mêmes types de symptômes et d'immobilisation que les humains, ils ne survivraient pas, et leur espèce non plus. Donc, voyons ce scénario. Il y a un troupeau d'impalas broutant dans la savane. Et derrière les buissons, un guépard traque le troupeau. Et quand il arrive à la bonne distance, il le poursuit à 100 ou même 120 km/h. C'est la quantité d'énergie qui entre dans notre réponse de survie. Imaginez l'énergie musculaire qu'il faut pour sprinter à 100-120 km/h. C'est la même énergie qui permet à une mère de soulever une voiture et d'en extraire son enfant qui y était piégé pour lui sauver la vie. C'est une quantité d'énergie extraordinaire. Donc, si nous sommes préparés à la menace et que nous n'utilisons pas cette énergie est activée sans pouvoir s'échapper. Elle est coincée en nous. Dans cette poursuite où le guépard poursuit la gazelle, parfois, juste au moment où le guépard se prépare à faire le dernier saut, l'impala ou la gazelle tombe au sol et elle semble morte. Elle est immobile. Ce qui se passe, c'est que l'animal entre dans un état physiologiquement profond, appelé l'immobilité tonique. Il semble être mort, il ne bouge pas, il ne respire presque plus. Et fréquemment, le prédateur, Dans ce cas, le guépard attrape la gazelle pour la traîner et la cacher sous des broussailles, en attendant d'aller chercher ses petits et les ramener pour leur montrer comment tuer. Et pendant ce temps, la gazelle sort de cette réponse d'immobilité, de blocage, d'effondrement, se débarrasse des branches et rejoint le troupeau. Donc, cet état est un profond changement de conscience. Et avec la réponse de lutte ou de fuite, ou même au-delà, il y a cette réponse d'immobilité. Et alors que les humains ont la même réaction de lutte ou de fuite et la même réponse de blocage et d'effondrement que les animaux sauvages, eux, sortent complètement de cette réponse. Alors que nous, les humains, sommes coincés dans cette réaction. Et je pense que l'une des raisons pour lesquelles nous restons coincés dedans est que nous avons peur des sensations qui se produisent lorsque nous en sortons. Mais parlons un peu plus de cette réponse d'immobilité. Si l'animal est tué à ce moment, s'il est déchiqueté, la nature est bien faite, si on peut dire. Parce que cette réponse d'immobilité est aussi associée à un flot de substances chimiques dans le cerveau. Et l'une des plus importantes est l'endorphine. De sorte que lorsque nous sommes aussi malmenés, submergés, nous sommes dans un état altéré, comme si ce qui se passait arrivait à quelqu'un d'autre. Et nous sommes également imperméables à la douleur. Toute personne qui a eu un accident, très souvent, ne ressent aucune douleur et ne la ressent que quelques heures plus tard. On se demande, comment est-ce possible que je n'ai pas ressenti cette douleur extrême? Eh bien, c'est à cause de cette réaction biologique qui inonde notre cerveau et notre corps avec ces endorphines, qui sont des opiacés naturels. C'est aussi puissant que la morphine, peut-être même plus puissant. Quand nous sommes menacés et que nous ne trouvons pas d'échappatoire, nous entrons par défaut dans une réponse d'immobilité. Et j'ai découvert comment aider les gens à surmonter cette réponse. Une des différences entre les humains et les animaux est que nous avons un néocortex plus grand, un cerveau de raisonnement plus grand. Quand un animal connaît cette expérience, s'en débarrasse et retourne dans la savane, par exemple, si un lapin est poursuivi par un coyote et qu'il se réfugie dans son trou, il ne dit pas « Je ne vais pas sortir pour aller chercher des carottes, j'ai quelques vieilles carottes ici. » Ou bien « Je n'ai même pas besoin de bouger d'ici. » Parce qu'il ne développe pas d'agoraphobie. Il ne développe pas cette anxiété sur le fait de retourner là où il a pu être menacé auparavant. Il est probablement un peu plus sage et il sait qu'à un certain moment de la journée, il ne doit pas aller près des rochers. Parce qu'un lion des montagnes pourrait se cacher là. Mais il n'est pas terrifié. Alors que nous, nous restons terrifiés. Nous sommes terrifiés par nos propres sensations internes. Et non seulement nos sensations nous terrifient, mais nous sommes aussi terrifiés par des sensations qui, dans le passé, auraient été agréables. Donc parfois, et même souvent, les gens qui sont traumatisés à l'âge de leur première relation sexuelle sont terrifiés par les sensations, même si ce n'était pas un traumatisme sexuel. Toutes les sensations deviennent nos ennemis. Donc le but de ce cours et d'aider les gens à aller à la rencontre de leurs sensations corporelles, pour qu'ils puissent se libérer du traumatisme. Laissez-moi vous expliquer la façon d'utiliser ce cours. Le mot-clé ici est « doucement ». Parce que le traumatisme est très intense et qu'il implique des niveaux d'activation très élevés. La clé pour transformer un traumatisme est de l'approcher lentement. Prenez tout le temps nécessaire. Et si une partie vous semble difficile, laissez-la, et vous pourrez y revenir plus tard, car certains exercices seront vraiment utiles et faciles, d'autres peuvent être plus difficiles et nécessiteront de les faire plusieurs fois. Mais là encore, l'essentiel est de prendre son temps, de savoir que le traumatisme s'estompera. Le traumatisme peut se soigner, il peut se transformer et il peut en sortir quelque chose de bien. Alors, prenez votre temps. Reconstruire les liens avec notre corps est un processus délicat. Et c'est important de le faire quand vous avez du temps, de ne pas faire les exercices quand vous êtes débordé. Et s'il vous plaît, ne le faites jamais au volant. Parce que les exercices peuvent faire ressortir des émotions, ou bien ils peuvent provoquer des états de relaxation profonde, qui pourraient être dangereux si vous conduisez une voiture ou si vous êtes sur des machines. Alors faites-le quand vous avez le temps, quand vous êtes dans un endroit qui pourrait être relativement sûr, comme votre maison, votre chambre. Et encore une fois, je le dis une fois de plus, prenez le temps nécessaire. Prenez tout le temps dont vous avez besoin. Et je vous souhaite le meilleur des succès. Non, je suis sûr que vous avez toutes et tous la capacité de vous remettre d'un traumatisme. Et je vous ouvre à votre résilience. Je suis le miroir de votre résilience.